الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أي الله سبحانه وتعالى nous a ordonné العدل والإحسان العدل d'être juste et l'ihsan la bienfaisance. قال الشيخ سعدي رحمه الله كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى tant que c'est du bir, tant que c'est du bien, on doit s'entraider, que ça soit بالمال avec l'argent, que ça soit بالبدن aider directement ton frère dans une chose, أو العلم وهذا أنفع أي tu aides ton frère في العلم. Si tu as la qudra, tu lui montres, tu le conseilles. هذا سمين أعظم البر أي التعاون على العلم dans la science. قال الشيخ رحمه الله وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خص أولي القربى أي les proches وإيتاء ذي القربى. لماذا؟ لأنهم يزون حق عظيم علينا خاصة الوالدان لبارون. قال الشيخ رحمه الله لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. هذا سنغلب طول بخش لكن يا أكن دوت أن الأقارب يتفاوتون أي من حيث القرب. فمثلا les parents c'est les plus proches وهكذا les frères et sœurs الأقرب فالأقرب. على كل حال المؤمن يحسن إلى أقاربهم إلى أقاربه يقصد. قال رحمه الله كان أحق بالبر انتهى. وكثير من الناس يسألون par rapport à هذا البر, que ce soit مع الوالدين أو avec les frères et sœurs ou autre, فيسألون كيف نستمر على هذا البر بعد موت قريب من الأقارب. أي est-ce que on peut continuer à s'entraider, à être utile pour ce proche défunt décédé après sa mort. والجواب نعم. لكن الناس في هذه المسألة ربما يريدون الخير لكن بسبب الجهل, فالبعض يحدث بعض الأمور دي بدع أو دي خرافات دي شوز كي نو أوكان دليل اي بونس كو سي أوتيل بور سون بروش alors que في الحقيقة سي دوكون أوتيليتي. وهناك أمور كما ستأتي معنا إن شاء الله الدليل الواضح من القرآن ومن السنة وربما أجمع على ذلك أئمة الإسلام. Ils sont tous unanimes. Cette chose, elle est profitable pour le mort. وكثير من الناس يدلس cette chose. مع أنهم يزم leurs proches, ils veulent lui faire du bien, لكن الجهل. ولهذا أحببنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه الأمور, أي ces points, ces عبادات qui peuvent être utiles pour nos proches qui sont décédés عليهم رحمة الله. نذكر هذا يرحمك الله نذكر هذا باختصار وبالله التوفيق. أولا premier point العناية بهذا القريب عند موته أي on doit aider, نتعاون مع هذا القريب عند موته quand il meurt. On a des choses à faire en tant que proche, من غسله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه توسا من الامور المهمه لكن on doit faire ces choses اي غسل الميت اي le laver وتكفينه الكفن اي le linceul والصلاه عليه faire صلاه الجنازه sur lui كذلك الدفن l'enterrer على الطريقه المشروعه اي comme le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a démontré في سنته عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له celui parmi les mu'minins qui meurt et 100 parmi ses frères musulmans ils font salat sur lui ay salat al janaza Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu il lui pardonne الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله وكذلك الشيخ مقبل في الجامع الصحيح نعمة عظيمة وكم من الناس يتساهلون في هذا الباب فربما قريب من الأقارب ما إلى سيستبا صلاة الجنازة alors qu'il a la قدرة ربما il est proche لكن il est occupé par d'autres choses وهكذا غير الأقارب Et celui qui a le qudra, il doit assister à Salat al-Janaza. Khassatan, quand c'est proche. Et encore plus, quand c'est un membre de sa famille. Wa min al-umur allati tanfa' al-mayyit bi-idhnillahi azza wa jal al-du'a'u lah. Qala Allah jalla wa ala, Wal-lazina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ghfir lana wa li-ikhwanina al-lazina sabakuna bil-iman. هكذا شأن المؤمن إذا الدعاء pour ses frères المؤمنين وخاصة الأقارب encore plus pour ses proches قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث si l'être humain meurt ses œuvres elles s'arrêtent لماذا لأن هذه الدنيا دار عمل فسي إيمر وينتقل إلى دار البرزخ أي لا تومب فينقطع عمله ses œuvres sont arrêtées إلا من ثلاث sauf dans trois cas قال صلى الله عليه وسلم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له أي un enfant صالح qui est accroché à son dîn et qui fait dua pour ce parent, que ce soit le père, la mère, ou ce proche, son frère, sa sœur, sa tante, sa grand-mère, son grand-père. Fa idnillahi azza wa jal, al-mayyit yastafid min hadha ad-du'a. Wa naqala al-imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah fi sharh al-tahawiyya ittifaq a'immati ahli as-sunnah anna al-mayyit yantafi' bid-du'a wal-istighfar. أنت أخي الكريم si tu as perdu un proche tu as été مقصر وهذا سأغيب كم من الناس إذا مات أحد أقاربهم يندمون pourquoi on ne lui a pas fait telle chose pourquoi on ne lui a pas rendu tel service pourquoi on ne s'est pas entraîné avec lui بهذا الأمر فالحمد لله même s'il meurt il reste هذا العمل العظيم ne l'oublie pas في دعائك خاصة في سجودك في آخر الليل في الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستجابة أكثر أي الدعاء في هذه الأوقات وبعض أهل العلم يحسن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه وبعض المؤمنين يوم القيامة أو plutôt في الجنة الله سبحانه وتعالى va les élever en degré الجنة درجات وأعلى هذه الدرجات الفردوس الجنة il y a plusieurs degrés فبعض المؤمنين ils seront élevés en degré في الجنة et ils demanderont à الله سبحانه وتعالى أي من أين هذا الفضل أي c'est quoi السبب فيقول الله عز وجل باستغفار ولدك لك السبب استغفار أي الدعاء de son enfant pour هذا الأب أو هذه الأم. On doit pas négliger هذا. الدعاء فيه خير عظيم. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. وكم من الناس الآن à notre époque شغلوا بالدنيا وشغلوا بأمور ربما ينسى. Il est vie rafla. Et peut-être que pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, ils oublient et ils font plus de du'a pour leurs parents. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. N'oublie pas le khayr. Quand tu étais petit, kam ta'ibu, khasatan al-um, elle porte et elle veille la nuit. Et kam min tadhiya, des sacrifices pour hadha al-walad. فمن الإحسان البر في حياتهم أننا prend soin de eux كما قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et كذلك البر أفخي لعمر. ومن أعظم البر الدعاء. لكن هنا تنبيه أنه لا يجوز الدعاء لهذا القريب إن مات على الكفر. وبعض المؤمنين, si on prend l'exemple des convertis, ils sont rentrés vers l'islam et leurs parents, Robama ma aslamu, et s'ils meurent à la hadha al-hal, fala yajouz ad-du'a ulahum. Et même si wahadi fait du'a, fa du'a la tanfa' fi hadha al-hal. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana lil-nabi, wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin, wa law kanu uli qurba. Même si c'est des proches, fala yajouz al-istighfar ulahum. Limadha li'annahum matu. على الكفر على الشرك الأكبر. فالدعاء في هذه الكلمة الدعاء والصدقة والصيام والحج إلى آخره تصاصب المؤمن. أما المشرك عياذا بالله فلا يستفيد من عمل ولا من دعاء ولا من شفاعة ولا من شيء, كما أخبر الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحذر من الشرك, يعني نكونسي نحن لي بارون ونكونسي الجميع الحذر من الشرك, خاصة الغلو في قبور الأولياء والصالحين. هذا الشرك سي ريبوندو بوكو ا نوتر ايبوك. فكم من الناس يذبحون لغير الله ويدعون غير الله ويرجون غير الله ويخافون من غير الله عز وجل. عياذا بالله إذا ماتوا على هذا الحال فيسوا على حال خطير جدا. فلا يستفيدون من عملهم, ils profiteront pas de leur عمل, et كذلك ils profiteront pas de دعاء de leurs enfants, même si leurs enfants c'est des صالحين. نعم. قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك سان ظالم, فلا يستفيد من عمل ولا شفاعة ولا شيء عياذا بالله. هذا التنبيه إلى مهم. كذلك نستفيد من هذا أن celui qui a des parents et c'est pas des مسلمين فيجتهد الآن, لأن إذا ماتوا على الكفر c'est fini, لكن tant qu'ils sont encore vivants فيجتهد في الدعاء, il fait du'a pour eux, et كذلك il leur montre, et كذلك il essaie de leur faire aimer هذا الدين. الأمر لله سبحانه وتعالى. تنبيه آخر par rapport à ce point, وهذا خاص للوالدين, العناية بالأولاد. تأمل الحديث كنا لو أنصمبل أخي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولد صالح يدعو له. فالعاقل يفيد زفور يجتهد حتى يربي هذا الولد على الدين على السنة على العلم. لماذا؟ لأن هذا الولد الصالح فتستفيد منه أيها الأب أيتها الأم, أي vous allez profiter de هذا الولد بإذن الله عز وجل حيا وميتا. Si les parents ils sont en vie, ils vont profiter de cet enfant لأنه c'est un صالح, il va les aider, il va faire دعاء pour eux, il va leur montrer, il va patienter معهم إلى آخره. وإذا ماتوا كذلك يستفيدون منه بإذن الله عز وجل, لأن الولد الصالح il oublie pas ses parents. الولد الصالح يفيد الدعاء pour ses parents. أما ما يفعله البعض à notre époque أنهم يربون أولادهم فقط على الدنيا. Il faut avoir des diplômes, il pense qu'au travail, il faut avoir l'avenir et il consacre aucune part au ilm wa as-sunna wa al-a'mal as-salihah ila akhirih. فربما هذا الولد لا يستفيدون منه وهم احياء. Peut-être qu'il va travailler, peut-être qu'il va avoir une place et il oublie ses parents. لماذا؟ لانه c'est pas un ولد صالح. والله بعض الاولاد ربما يدن بريال على اخبارهم. هذا سبب من البر. وإذا ماتوا فهذا الولد ربما يسمغي إلى une famille et il oublie ses parents. لا دعاء ولا شيء. هذا من أهم الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. Et parmi les choses que le musulman va profiter même après sa mort, أي parmi les hasanat, قال النبي صلى الله عليه وسلم علما علمه ونشره. أي un علم qu'il a appris et qu'il a propagé. فالناس يستفيدون من علمه من كتبه من دروسه من نصائحه. فهو il est dans sa tombe في قبره وهو يستفيد حسنات. Ça nous montre l'importance du علم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وولدا صالحا تركه. Et un enfant صالح qu'il a délaissé après lui. Cet enfant salih, et Allah Azza wa Jalla, il va faire beaucoup d'efforts pour ses parents et pour lui-même. فعلى هذا والله لو علم الناس ما في العلم والتمسك بالسنة طلب العلم الاستقامة لو علموا ما في هذه الأمور من النفع لأنفسهم ولأولادهم وآبائهم لدفعوا ما عندهم من الأموال. Pour pousser cet enfant à étudier العلم. لأن في الحقيقة cet effort que tu fais مع ولدك c'est pour toi أيها الأب. أيها الأب. فلهذا ننصح الآباء والأمهات لا يقصروا مع أولادهم خاصة si cet enfant fait des efforts في طلب العلم et في التمسك بالسنة. Et كذلك on encourage les parents à faire eux-mêmes des efforts et à encourager leurs enfants. Comme les gens, ils avaient de l'argent, ثم ils en ont plus. Comme les gens, ils avaient de la bonne santé, ثم مريضوا. L'argent, la santé, ça part, ça vient. أما الدين الإيمان العلم العمل الصالح فتستفيد منه في حياتك وبعد موتك بإذن الله عز وجل. ثالثا أو قبل هذا نسينا قول الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع قال الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. On a cité le verset من سورة التوبة et كذلك هذا الإجماع l'unanimité أن لا يجوز, on n'a pas le droit de faire صلاة الجنازة sur un كافر أو faire دعاء pour lui بالمغفرة أو autre, فلا يجوز. ثالثا الصيام عنه. Et parmi les choses utiles pour ce proche qui est décédé, الصيام. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. أي celui qui meurt وعليه صوم, أي il a un صيام obligatoire à faire et il ne l'a pas fait, صام عنه وليه. Et son proche, il fait ce siyam à sa place. Al-hadith, il est fait le sahihain. قال l'imam عبد العزيز ibn Baz, رحمه الله, أما الصيام فإذا كان عليه صوم كان عليه صوم يصوم عنه أو يصام عنه مات عليه صيام مات وعليه صيام بأن فرط. Avec cette précision. أنه مات. Il est mort, ce proche. On prend l'exemple, مثلا, de la mère. Et elle avait un siyam wajib alayha. Lakin, elle a eu de la négligence. Mathalan, elle n'a pas pu faire deux jours de siyam le Ramadan qui est passé. Thumma, elle avait du temps pour le rattraper. Lakin, elle repoussait. Demain, il a arrêté. Thumma matat. Donc, ces deux jours, fi zimmatiha. Ils sont wajib alayha. Et elle n'a pas pu les faire, ou elle ne les a pas faites plus tôt, à cause d'une certaine négligence. ففي هذا الحال ولدها أو أخوها أو زوجها وأبوها مهم قريب من الأقارب إفاء الصيام pour elle. قال يصوم عنه وولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا القريب يصوم لله bien sûr, نيته لله, لكن سنية كذلك إفاء الصيام. لماذا؟ لأن سبخش إلى نجليجي إلى بفي السجور. فهذا بإذن الله عز وجل يستفيد منه الميت. لماذا؟ لأن هذا الصوم ستة أوبليغاتوار. Et il est mort et il ne l'a pas fait. ففي هذا الحال التعاون سطيب. قال الشيخ رحمه الله فيصوم عنه ولده من ذكر أو أنثى أو زوجته أو غيرهم. نعم, c'est pas خاص pour les garçons. Là, ça englobe كذلك les filles de ce défunt ou sa femme. Al-muhim, un proche يصوم عنه. ثم قال أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه فهذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم, عند جمهور أهل العلم لا يقضى عنه ولا يطعم عنه لأنه غير مفرط معذور. هذا c'est كذلك c'est important à comprendre. On donne un autre exemple avec une mère. Elle a pas fait الصيام, le dernier الصيام, لماذا؟ لأنها مريضة. Elle était malade et elle avait pas le قدرة على الصيام. ففي حقها الصيام ليس واجب. ما فرطت, لا pas une négligence, بل لا pas fait الصيام لعدم القدرة, l'incapacité. ففي هذا الحال si elle meurt on rattrape pas ce mois de الصيام. لماذا؟ لأن أصلا il était pas واجب عليها. فالصيام الصيام qu'on rattrape c'est الصيام الواجب qui est resté في الذمة. ففي هذا الحال on le rattrape إن شاء الله تعالى. أما صوم التطوع, بعض الناس يسألون est-ce qu'on peut faire des jeûnes recommandés comme le lundi et le jeudi ou ayam al-bayd الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر من الشهر إلى آخره. هذا لا دليل على هذا. كما قال بعض أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمه الله قال وهكذا التطوع بالصوم عنهم أن يترك لأن ذلك كله لا دليل عليه. لا أكن حجة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم. أما المستحب ce qui est recommandé c'est pas في الذمة, c'est pas une chose comme une dette qu'on a et une obligation qu'on n'a pas faite. Là من شاء صوم ومن لم يشاء لم يصوم. فالميت on n'a pas à faire des jeûnes recommandés pour lui. هذا لا دليل عليه. هذه المسائل لا يتوسع فيها. Et on ne peut pas faire toutes les adorations pour un proche. Là, on peut s'entraider fima ja ad-dalil. C'est pour ça que bi'idhnillah azza wa jalla chaque point on cite des adillah pour montrer que c'est légiféré. Amma at-tawassu' et al-ikthar min hada fa c'est pas min sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'an, et après as-siyam, al-hajj ou al-umrah. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. Cette femme elle a demandé, sa mère elle avait fait un vœu. Un nadr, c'est s'imposer, comme taqaddam ma'ana fi kitab tawhid, s'imposer une ibada qui à la base n'est pas obligatoire. Ala kulli hal, hadha al-hajj il était obligatoire pour cette femme. Elle est morte, elle n'a pas pu faire ce hajj. Sa fille, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle peut faire ce hajj à la place de sa mère? Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala na'am. Al-ulama akhadu min hadha al-hadith anna al-hajj al-wajib si wahid il ne l'a pas fait et il meurt, فيشرع de le faire à sa place. قال الإمام ابن باز رحمه الله فالصدقة والدعاء والحج عن الميت والعمرة عنه وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم. الحقيقة يعني خلاف يسير في الحج ذكره هو الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية, لكن قول جمهور أهل العلم سيكسي مشروع. كذلك هنا العاجز أي même s'il est vivant. مثلا ton père ou ta mère ou un de tes grands-parents il est malade ou il a atteint un certain âge, il ne peut plus se déplacer, al-muhim, il n'a pas la qudra, lakin, il a de l'argent. Il yajouz annahu, il donne cet argent à un de ses proches, et ce proche, il fait le hajj à sa place. Tout ça, c'est mashrou' bi-idhnillahi azza wa jal. Lakin, un tambih muhim huna, an al-insan yantabih min wasawis al-shaytan, annahu, il délaisse le hajj, thumma, et yaqul annahu, s'il meurt, de toute façon, l'argent qu'il délaissera, fa ses proches, ils feront le hajj pour lui. La. Il y en a celui qui a le qudra de faire le hajj et délaisse le hajj, il est à l'khatr azim. Il est à l'khatr azim. Hatta wa'adu ahl al-ilm yasjuroun vi hadha al-hal. Annahu il a délaissé. Il a délaissé. L'insan yantabih. Il fait du khayr wa yas'al min Allah subhanahu wa ta'ala al-qaboul. Tanbihun akhar. Par rapport au hajj, manmat, la mas'ala qu'on a citée, un musulman qui meurt et il n'a pas fait le hajj, ou عنده mal, fa yu'khad min hadha al-mal qabl al-qisma, avant de partager hadha al-mal, lil waratha, ceux qui vont hériter de ce mort, fa qabl hadha yu'khad min hadha al-mal, واحد يفعل الحج avec هذا المال لماذا لانه ستي واجب عليه الحج وهكذا سياتي معنا في الدين قال الشيخ العزيمين رحمه الله سان ثالثيم تنبيه ولا شك ان الاولى والاليق ان لا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه اولا le troisième tambih qu'on peut faire huna fil hajj annahu celui qui fait le hajj pour un autre il faut déjà que lui-même il ait fait le hajj le farida amma on ouvre les portes et wahid fil hajj alors que lui-même il n'a pas fait il veut faire le hajj pour un autre hadha la yanbaghi la yanbaghi celui qui fait le hajj pour un autre il commence déjà par lui na'am ay bi mali amma si c'est avec l'argent du mayyit fa c'est une autre mas'ala. Amma mathalan anta tu as de l'argent et tu n'as jamais fait le hajj et tu as que une certaine somme d'argent que pour faire le hajj une fois pour l'instant amma l'avenir Allahu a'lam lakin wahid il a de l'argent pour faire le hajj mathalan cette année et où il a jamais fait le hajj et un de ses parents qui sont décédés كذلك ils ont pas fait le hajj fa la yanbaghi fi hadha al-hal annahu yafil hajj min niyya pour ses parents la ou pour un de ses parents. Les ananiyah via des umur, et on précise, c'est que pour un. Tu ne peux pas faire le hajj et mettre le niyah pour plusieurs. Là. C'est pour ça que tu ne peux pas faire le hajj et mettre le niyah pour toi et pour un de tes parents. Là. Un niyah, c'est les wahid. C'est une ibadah, fa une niyah. Fa là, il y a un bari via des al-hal, un wahid, il fait le hajj, alors que lui-même, il ne l'a pas fait, il met le niyah pour un autre. Là. L'insan, il commence par son nefs. Limada, li anallah amrak, ayyuha al-abd, de faire le hajj. ثم si tu as fait ton wajib, tu as fait le farida, والله سبحانه وتعالى فتح عليك بمال الى اخره, et tu fais le hajj pour un de tes parents qui ne l'ont pas fait, falhamdulillah. خامسا قضاء ديونه, اي le paiement de ses dettes. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. نفس المؤمن معلقة بدينه, أي tant que son dain il est pas payé, أي cette dette, مثلا il devait de l'argent à un tel et il n'a pas payé, il est mort على هذا الحال, فنفسه معلقة, tant que cette dette elle est pas payée. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين كأنها أي قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة معلقة tu peux traduire par aller accrocher son نفس. الشيخ ابن عثيمين قال كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدين ولا تفرح بنعيم, فكأن son نفس تتألم elle est triste لا تتنعم ولا تفرح أي elle profite pas des délices dans la tombe. لماذا لأنها معلقة بالدين لأنها ممكن شوز أي سدت. قال ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط لأن عليه دينا, ومن ثم قلنا إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين, فلهذا الورثة Et les enfants de ce muslim décédé, ou ses proches, ses frères, ils doivent se précipiter à payer ses dettes. فلهذا من أول ما يبدأ الذي قدر الله سبحانه وتعالى أنه il a perdu un proche, أنه il commence par ses dettes. هذا نستفيد منه l'importance de الوصية, خاصة celui qui est malade, ou il a atteint un certain âge, ou celui qui a des dettes, même s'il est jeune et il est en pleine santé. لأن ربما يموت فجأة. ففي هذا الحال نولي بعد الوصية والإنسان يكتب ما له وما عليه. Ce qu'on te doit et ce que tu dois. حَتَّى إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ فَالْأَقَارِبِ بِخَانَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ Son testament. Et s'il a une dette, Inch'Allah, يَتْفَعُونَ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَمْرِ il est pas sale, ya jama'a. نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَ Imagine la tristesse de هذا الميت في قبره. أنه معلق, tant que sa dette elle est pas payée. Et si on قدر أن il n'a pas informé de cette dette, ou son entourage ne sont pas au courant, الأمر إلى خطير كم من الناس يتساهلون celui qui a des dettes فيكتب une وصية أو il prévient quelqu'un أنه j'ai une dette عن فلان فسيل se passe quelque chose ses proches ils savent quoi faire نفس الشيء فإن ترك مالا بعد موته s'il a délaissé des biens après sa mort de l'argent فأvant de partager قبل القسمة أي للورثة avant de partager les biens à ses enfants il a akhiré فيؤخذ من هذا المال et on rembourse ses dettes. لماذا؟ لأن ses dettes c'est un حق للغير والحق للغير on est obligé de le rendre. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a comparé الصيام ou الحج aux dettes. وإن لم يكن هذا الميت ترك مالا s'il n'a pas délaissé d'argent ou il n'avait pas d'argent مات فقيرا لكن il avait des dettes. ففي هذا الحال يقضي عنه أحد أقربائه أقاربه وهذا من أعظم البر. Et c'est là l'importance d'avoir un entourage صالح خاصة الأولاد أنهم لا يتركون آباءهم في هذا الحال أبدا. Même si c'est une somme ربما assez grande, فأحد الأولاد يتعاونون et ils laissent pas leur père ou leur mère في هذا الحال. نفس المؤمن معلقة بدينه. S'il n'avait pas d'argent, enfin, ses enfants يتعاونون et ils remboursent la dette. الزكاة العلماء يذكرونها كذلك dans ce point مثل الدين. سئلت اللجنة الدائمة عن رجل توفي ولم يكن يخرج الزكاة عند عدة سنوات. Pendant des années, il n'a pas sorti الزكاة. وهذا صعيب. الإنسان ربما يغتر بهذه الدنيا. بعضهم أثرياء. Allah subhanahu wa ta'ala an'am alayhim bi amwal ta'ila, beaucoup d'argent et ils ont une petite somme à sortir. Si c'est sur de l'argent, 2,5%. Fa al-haqiqa c'est qalil jiddan. Lakin ba'dhum 'iyadan billah al-ightirar bid-dunya wal-bukhl, ils sortent pas cette somme. Thumma yamut ila al-dilsi hadha al-haqq. Fa su'ilat al-lajna ad-da'ima 'an mithla hadha ar-rajul fa ajabu yajib إخراج الزكاة من مال هذا الميت عن جميع السنوات التي مرت عليه ولم يزكي. Cet argent qu'il a délaissé et qu'il ne faisait pas zakat, il ne sortait pas zakat. فالواجب, c'est avant de partager cet argent, ils doivent sortir la zakat. لماذا؟ لأن الزكاة c'est من فرائض الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا المال c'est حق من حقوق الفقراء والمساكين. C'est un haq pour eux. On n'a pas le droit de se partager cet argent et délaisser haq al-ghayr. Là, al-awlad, et كذلك, on appuie, on a, et on continue de citer, annahum, si c'est des awlad salihoun, فبإذن الله عز وجل, ça sera min ashal al-umur hada. Amma, si c'est des enfants, عندهم شيء من الطمع, et ils aiment dunya, وربما, ils se partagent l'argent et ils ne payent pas al-zakat pour leur père. أين البر؟ هذا ما يتعلق بقضاء الديون وكذلك on a cité الزكاة في هذا الباب. سادسا الصدقة عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت أي ماتت فجأة. نعم أي هذا الصحابي رضي الله عنه il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم أن sa mère elle est morte. قال وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها. فتأملوا هذا الولد الصالح. Il a pensé à sa mère في هذا الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أمي لو تكلمت أي si elle pouvait parler, elle pouvait agir, تصدقت, elle aurait ordonné qu'on fasse une sadaqa pour elle ou elle aurait fait une sadaqa. المهم il a pensé à sa mère أنها ربما elle veut le خير même après sa mort. فإلى demande au prophète صلى الله عليه وسلم فهل لها أجر, est-ce qu'elle a une récompense si je fais une sadaqa pour elle, مثلا aider un orphelin, مثلا donner de la nourriture à un nécessiteux, مثلا s'occuper de un tel, il a pas assez de vêtements, المهم aider واحد il a pas d'eau chez lui, lui faire rentrer l'eau ou l'électricité ou un appartement, une maison, tout ça c'est des sadaqat azim. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأجر كذلك الميت il en profite. هذا celui qui veut aider, celui qui veut faire du khayr à ses proches même après leur mort. أما بعض الناس quand leur proche meurt عياذا بالله نياحة وكلام سيء, بعضهم يسعش لفيتمان بعضهم من باب تسخط, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala قدر هذا. Et comme si ses pleurs et ses cris, بعضهم ça va plus loin, عياذا بالله, بعضهم ils disent des kalimat فيها الطعن في رب العالمين. Et pourquoi on m'a pris mon proche, mon père ou mon enfant, عياذا بالله, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui قدر هذا الشيء. Au lieu de tout cela, et fait le haqiqa comme on l'a dit, même si l'insan il fait هذه الامور, est-ce que son proche va revenir? Mat, il reviendra jamais. Lakin il reste هذا الباب العظيم, باب الدعاء, باب الاستغفار, s'il avait des dettes, كذلك الصدقه عنه, tout ça باذن الله عز وجل يستفيد منه. Et fait le haqiqa, nos proches décédés, s'ils pourraient parler, ben c'est ce qu'ils veulent. أما كثرة الكلام إلى آخره فلا يستفيدون منه. الحديث إلى في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله لا نزاع بين العلماء في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة إلى آخره. نعم لا نزاع أي aucune divergence. Tous les savants ils sont d'accord أن لا صدقة pour un mort فيستفيد منها. أي الصدقة, tu fais صدقة pour un nécessiteux, et inshallah ta niyya c'est pour un de tes proches, enfin il en profite même après sa mort. Et on a un tambih par rapport à cette mas'ala, al hifaz ou al inaya bi sadaqatihi al jariya, s'il a délaissé une sadaqa jariya. Vous vous rappelez du hadith de Anas radiyallahu anhu, idha mata al insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath wa minha sadaqatun jariya. S'il a délaissé une sadaqa jariya. Sadaqa jariya, ça veut dire une sadaqa et atharuha, et بعض الناس ils vont en profiter un long moment. Mathalan, il a creusé un puits avant de mourir pour tel village, un village de nécessiteux, un village de masakin, il a creusé un puits pour eux. ويستفيدون من هذا الماء. C'est une sadaqa jariya. كذلك العلم. وهذا سينفع كما تقدم. كذلك مثلا il a délaissé une rentrée d'argent, un commerce ou غير ذلك pour tel orphelin ou tel pauvre. المهم une sadaqa jariya c'est un khair qui est مستمر. فالورثة أو الأقارب إذا مات مثلا si c'est leur père, فالحفاظ والعناية بهذه الصدقة. مثلا si c'est un puits, ينظرون, est-ce que le puits continue à être entretenu, ou si c'est du ilm, si leur père il avait du ilm, est-ce que ces livres ils ont été propagés, est-ce qu'ils ont été corrigés, est-ce qu'ils ont été imprimés. فالعناية. أما الصدقة الجارية si tu la délaisses, أحيانا ربما elle s'éteint. مثلا un puits s'il n'est pas entretenu, ربما il s'effondre, il n'y a plus d'eau, ولا أحد يستفيد منه. La sadaqa elle s'arrête, il n'y en a plus personne en profite. Celui qui veut être utile, si ses parents ils ont délaissé une sadaqa jariya, يعتني بهذه الصدقة. وهذا كذلك الذين يقومون بهذا الأولاد الصالحون. أما غير الصالحين وربما ينشغلون بالدنيا يزولي هذا الأمر. هذه on a cité combien, 6 نعم 6 points. العناية عند موته, quand il meurt on fait al-wajib min min ghasl wa takfin wa salat ila akhirih. كذلك الدعاء, faire des invocations pour lui. الصيام, الحج والعمرة. Et on a cité كذلك قضاء ديونه, ay payer ses dettes. Et le dernier point, le sixième, الصدقة عن, ay faire des sadaqat pour lui. ومما ينبغي على أقارب الميت العناية بأهله وأولاده, ay prendre soin. Si c'est un homme, il a délaissé une épouse, va prendre soin d'elle. S'il a des enfants, kadalik, prendre soin d'eux. Wa hakada, si c'est l'axe, si c'est la femme qui est morte et elle a délaissé un mari, va prendre soin de lui. Al-inayatu bih, fi sahih muslim, an Abi Hurayra radiyallahu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala sa'i ala al-armala, wal miskin, kal mujahid fi sabilillah, aw kal ladhi yasumu al-nahar, wa yaqumu al-layl. Le hadith, il est fait sahih muslim. Anna, celui qui prend soin de Al-Armala. Al-Armala, c'est la femme qui a perdu son mari. Al-Armala, c'est l'axe. C'est le mari qui a perdu sa femme. Elle est traduite par veuf ou veuve. Ou al-miskin, celui qui prend soin de Ha'oula. Kal-Mujahid fi sabilillah. Il a la récompense du Mujahid fi sabilillah. Ou, Nabi sallam, il a donné un autre exemple pour te montrer Azamatul Ajr. كالذي يصوم النهار, comme celui qui fait siyam fi nahar, il jeûne la journée, ou yaqoum al-layl, il veille la nuit en salat. Fal-ajr, il est azim, khassatan si hadhihi al-armala, cette veuve, si c'est une proche, comme une mère, comme une sœur, comme une tante, comme une grand-mère, fal-ajr, il est azim. وقال صلى الله عليه وسلم انا وكافي اليتيم في الجنه هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. Il a joint ses deux doigts, l'index et le majeur, et il a démontré عليه الصلاة والسلام أن lui est celui qui s'occupe d'un yatim, un orphelin, avec le prophète صلى الله عليه وسلم, il sera hakada, et ils seront très proches في الجنة. Et l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père. فالعناية توبة, et encore plus si c'est un neveu, encore plus si c'est un neveu ou autre, ou un cousin, un proche, que ça soit avec de l'argent, que ce soit avec des conseils, que ça soit avec autre. Ou كذلك مما ينبغي على أقارب الميت الإحسان إلى أصدقاء الميت. أصدقاء الميت, c'est pas sa famille, لكن c'est ses amis. الإحسان إليهم. لماذا؟ لأن جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. C'est من أبر البر. البر, c'est la piété, la bienfaisance. فمن أعظم هذا البر, parmi le plus haut degré في البر, la bienfaisance envers tes parents, que ce soit le père ou la mère, et les amis de ton père ou les amis de ta mère. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الرجل أهل ود أبيه. الود, ça vient de, c'est comme le mahabba, أي les personnes que ton père ou ta mère ils aimaient, أي prendre soin d'eux, que ce soit avec argent ou autre, leur rendre visite ou s'entraider avec eux, إلى آخره. Bien sûr, tant que ça pousse pas un haram, si c'est une femme, إلى آخره, on peut pas tout détailler في هذه الكلمة, لكن il y a des choses, لا شك أن لها شروط, avec des autres أدلة, إلى آخره. لكن الإنسان قد يحسن, même si c'est une femme et هو رجل, et c'est une femme elle est أجنبية par rapport à lui, فقد يحسن إليها بمال, il lui envoie de l'argent ou par le biais de sa femme ou de sa sœur ou de sa mère. المهم هذه الأبواب معروفة. وأخيرا احذر من هذه الأمور, tout ce qu'on a cité auparavant, c'est des moyens pour s'entraider, pour faire parvenir des hasanat à nos proches décédés. Et on conclut avec des choses à ne pas faire. Ihdhar min tanfid wasiyat hadha al-qarib in kana fiha mukhalafat li dinillah azza wa jalla. Lianna al-wa'd, rubama ils ont écrit des testaments wasiyat et ils ordonnent ou ils conseillent ou ils aimeraient que leurs proches fassent telle chose et telle chose. Ahyanan, c'est des choses haram. Fala yajouz d'appliquer ces choses. Lianna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal la ta'a li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq. On n'a pas le droit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna, ce proche, dans son testament, il a décidé qu'on fasse pour lui telle chose après sa mort. La yajouz. Que ça soit construire sur sa tombe, ou, ayyadam billah, wa'aduhum, dans son testament, il cite un de ses proches, annahu, il n'a pas à avoir une part dans l'héritage alors qu'il mérite. Et tout ça, c'est haram. L'héritage, c'est un haq pour ce proche. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné ce haq à ce proche. Fala yajouz man'uhu, même si sahib al-mal, il a écrit dans sa wasiyya. Plus grave, ils écrivent dans leur testament s'ils meurent, à leurs enfants, ils égorgent telle bête fi qabr al-wali, wayazurunahu ziyara, iyadam billah shirkiya ou khuraviya. Tout ça là yajouz. Tout ça là yajouz. C'est très très grave. Le wasiyya, on l'applique si ça ne contredit pas les textes. Si ça contredit les textes, hadi le wasiyya, voilà. فلا نقوم بها ابدا طاعه الله سبحانه وتعالى الي الباس avant. كذلك احذر اخي الكريم من البدع التي تفعل بعد الموت. Vous avez remarqué que عند الموت il y a beaucoup de bid'a. لماذا؟ لان كثير من الناس ils suivent les sentiments et ils n'arrivent pas à se contrôler, que ça soit durant les moments de joie ou de tristesse. Ils font des choses tellement qu'ils sont tristes et ils pensent que c'est utile pour eux et pour le mort. كقراءه القران جماعه يجتمعون في بيت من البيوت, ils appellent un groupe de personnes et ربما ils leur font à manger et pour qu'ils récitent le Coran. كان هذا c'est utile pour le meyyit. Le meyyit la yastafid min qira'ati al-Quran. Le Coran c'est pour les vivants. والعجب ان بعض الناس ربما لا يفتح المصحف في حياته ويهجره. Et quand il meurt, ses proches ils se précipitent à réciter le Coran. Le Coran c'est fait pour être appliqué. اما هو انتقل الى دار البرزخ, il est dans son قبر. Toutes ces choses c'est plus utile pour lui. اما les bid'a ça fait du mal à ceux qui les font. فلماذا هذا التكلف. On doit faire des efforts, on doit appliquer هذا القران tant qu'on est vivant. C'est une force à l'âne, on est vivant, on fait des efforts. Il y a des choses qui sont utiles pour lui, taqaddamat ma'ana. Amma rajouté kama yaf'al al-ba'd wa aghrab min hadha anna ba'dhum annahu yabay wahid pour qu'il récite al-Qur'an pour son père ou pour sa mère ou pour son frère, muhim, un de ses proches. Hadha tu le trouves fi ba'd al-maqabir, dans certains cimetières. Tu trouves des gens qui sont debout, mais al-mushaf, et ils attendent, et tu lui donnes maintenant telle somme, et ils récitent le Coran vers la tombe, une demi-heure, une heure, par rapport à l'argent. Tout ça, c'est min al-bid'a wa min al-khurafat. Hada, celui qui fait ça, qui est vivant, et qui demande l'argent pour réciter, hada, il veut que de donner. Et l'autre, miskin, il est firafla, il pense que c'est utile pour ses proches. C'est pas ça qui est utile. Ce qui est utile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, fais perdre pas ton temps, akhi al-karim, dans des choses inutiles. Et en fait, c'est pas qu'inutile, bel fiha dharar azim, li'anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, kullu bid'atin dhalala, wa kullu dhalalatin finnar. Tout ça, c'est minat dhalal. Ça serait un khayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait. Ça serait utile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait montré. Alors, fais attention à shaytan. Il veut occuper le musulman bihala, hatta on délaisse l'essentiel. Ra'aduhum, leur proche il meurt. Rubama, ce proche il a des dettes énormes. Wal-aqarib la yuwalun. Et il donne de l'argent pour qu'un tel il lit le Coran. Andorou, al-khudla. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré un nafs al-mu'min mu'allaqa bidayni. Et hum, au lieu de payer les dettes, et dans ce cas-là ils seront utiles, ils délaissent hada et. Il donne de l'argent pour des khurafats, pour des bid'a. Wallah al-musta'an. كذلك البعض, quand un proche meurt, il rassemble des gens, ou des gens viennent chez eux, ويجتمعون على الطعام, ils font de la nourriture, كأنهم ils sont في عرس. كأنه c'est un mariage. هذا لا يجوز. Celui qui vient pour التعزيه, فيعزي et il part. Et si c'est un homme, il le croise في المسجد dans la rue, ويعزي, il lui dit les condoléances. Et on n'a pas besoin de se rassembler fibeid. Ba'adhum, il se rassemble le jour même. Thumma au bout de 7 jours ou 10 jours. Thumma au bout de 40 jours. Tout ça c'est des bid'a. Au bout de 40 jours, ils se rassemblent, ils font un repas. Wal musayyim avec cette bid'a. Kathir minhum, ils appellent des gens qui n'ont pas besoin de cette nourriture. Rubama aghniya. Et ils délaissent les pauvres et les masakin. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 40 jours, tu as le droit pour les masakines. Là, lakin, si tu veux être utile, fais une sadaqa. Tu n'as pas besoin de spécifier tel jour ou tel jour. Et occupe-toi d'un orphelin, occupe-toi d'un pauvre, occupe-toi d'un talib ilm, occupe-toi d'une mosquée. Voilà, tout ça, ça va être utile, bi'inillah. Propage l'ilm. Et si c'est une sadaqa pour tes proches, fin, inshallah, ça sera utile. Al-Khatima, on conclut. أننا في الحقيقة نستفيد من هذه الكلمة أن من أعظم ما يستفيد الإنسان بعد موته بعد رحمة الله عز وجل bien sûr, أي parmi les choses que tu auras le plus besoin après ta mort et qui seront le plus utiles pour toi après ta mort بعد رحمة الله عز وجل, c'est ما تسببت فيه في حياتك من الأعمال, أي c'est les أعمال que tu auras fait pour toi-même avant de mourir. On a cité Hadha fil Khatima, hatta l'insan il s'accroche pas et il attend pas que les autres y fassent pour lui. Allahu alam, ils vont faire amla. Allahu alam, combien ils vont faire amla. Fashtahid fi hayatik, et ne compte sur personne, akhil karim. Tawakkal ala Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-qulub da'iva, et on vit dans une époque de fitan. Rubbama tes enfants, au bout d'une certaine période, ils t'oublient. Khassatan, s'ils n'ont pas été éduqués à la sunnah. Fal-insan, yishtahid fi hayatihi, ay fil a'mal, as-saliha. قال الله عز وجل أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون نزلا بما كانوا يعملون أي سبب دخولهم في الجنة c'est leur إيمان et leur أعمال صالحة à eux. وقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Ça nous montre que بعض الناس après leur mort ils vont regretter. Ils ne vont pas attendre qu'un tel y fasse pour l'a'mal. Là, ils vont regretter. وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلْ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ. Qu'est-ce qu'il va espérer, هذا الميت? Il ne va pas espérer qu'un tel y fasse pour lui. Là, même si un de ses proches y fait, il ne fera pas longtemps, il ne fera pas assez. Il espérera, هذا الميت, ce mort, de revenir fi dunya et d'appliquer. C'est une force azima. L'insan, il est en vie. Et wallahi alhamd, il a étudié ces points et il sait que après cette vie il y a la tombe. Enfin, chacun de nous on doit faire des efforts. Tanbihun akhir, on a oublié de le faire et on le cite هنا, ان c'est pas min as-sunnah ان tous nos a'mal, مثلاً, si on prend l'exemple de sadaqa, toutes nos sadaqat c'est pour nos proches qui sont morts et on s'oublie nous-mêmes. هذا سبا من السنة. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون الثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريقة السلف فإنه أفضل وأكمل. On a pas le droit de s'écarter de طريقة السلف. لماذا؟ لأن s'écarter de ce chemin c'est l'inhiraf ou al-dhalal. فالسلف, il faisait pas des salats pour les autres. As-salat la yajouz. As-salaf, il lisait pas le Coran pour les morts et pour que son proche mort il a la récompense. Là, amma les choses où il y a un délit, khasatan al-wajib, comme as-siyam, comme les dettes, il a akhiri, fahada yaqoum bihi al-insan et inshallah yastafid min hadha al-amal hadha al-mayyit. Amma ouvrir les portes à hada, l'insan il fait plus de khayr pour lui, rubbama il fait plus de sadaqa que pour lui, il fait que pour ses proches décédés, va hada laysa min as-sunnah. Fala ifrat wa la tafrit wa khayr al-hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaghfira lil mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.